Nelly Fiori continuera sa folle tournée des festivals de l'été et posera... Savourez les concerts d'Omara Portundo et de l'orchestra Buena Vista Soccer. En savoir plus, franceinter.com. 5. Le live de l'été. Revivez les meilleurs concerts de l'année et découvrez des titres... Le grand retour de Blur à Hyde Park le 3 juillet dernier. Plus d'infos. Radio France. On ne se quitte plus. Je peux vous reprendre. Bonjour à toutes et à tous. Marguerite Duras, grâce à cette traversée de l'été intitulée « Marguerite Duras est morte il y a 13 ans, laissant une centaine de films et de pièces de théâtre et des centaines d'articles de journaux. Mission de dévoiler toutes les facettes de Marguerite Duras, elle s'est tant arrangée pour décourager les journalistes en quête de scoop. Nous espérons vous faire partager l'itinéraire d'une siècle ayant pris des risques intellectuels, politique. Chaque jour aura sa thématique. Vendredi, la sorcière. Mercredi, la radicale. Hier. Aujourd'hui, l'amante. Chaque midi et demi est découpé en trois parties et qu'à midi, vous pourrez écouter Marguerite Duras au travers place au documentaire. À 10h, la rentrée. Je vous propose les archives. Le prix Goncourt littéraire est généralement attribué à un jeune auteur de talent promis à un fion qui confirme la règle. Le prix Goncourt 1984 a été décerné. Le talent, certes, est indiscutable, mais qui a déjà derrière elle 70 ans. Marguerite Duras est ainsi récompensée pour son roman L'Amant. Interrogée par François Gonnet, Marguerite Duras avec un brin de malice et qui, comme elle, a évolué au fil des ans. Il y a un style que je ne retrouve pas. C'est un style qui pourrait être difficile, mais qui ne m'est jamais... Mais c'est pas un style simple. Il participe plus. Alors vous êtes Goncourt 84, est-ce que vous allez venir à Paris? Est-ce que vous découle? Ben, un petit peu, oui. Je l'aime pas beaucoup. Donc, vous avez déjà commencé à lire. Oui, vous avez vendu 250 000. Un peu, oui, oui. Et le Goncourt, vous l'attendiez? Non, télévision en midi. Alors vous pensez qu'ils sont devenus raisonnables, ces gens-là, qui savent lire? Ils savent bien lire. 20 fois le Goncourt dans ma vie, pas 20 fois. Raison, vous qui me le donnez aujourd'hui. Comme il y a beaucoup, vous n'avez aucune raison. Vous voyez? Bah, vous l'avez, vous êtes quand même contente. La joie, apparemment, là. Oh, bah, écoutez, je ris. Interactualité, 12 novembre 1980. Comme vous l'avez constaté, n'a rien voulu changer à sa vie quotidienne le jour de l'obtention du prix Goncourt. Non, non, elle est à Trouville, et sa vie quotidienne est matérielle, comme elle le dira. Le prix Goncourt, en tout cas pas ce jour-là, d'ailleurs, elle l'avait frôlé rage contre le Pacifique. Elle ne se doutait pas, à l'époque, comme elle le dira elle-même, un succès mondial. Marguerite Duras est dans des entretiens. Et puis, petit à petit, légende, tout en conservant cependant ce que furent l'enfance. Et dans l'enfance, la pauvreté, la solitude, elle, bien réelle. Nous l'entendons dans l'émission de José Pivin, intitulée « Au cours diffusée le 19 mars 1967. Au cours de Duras, nous verrons les laideurs et les beautés plus rares rencontrer peu à peu un écrivain. Marguerite Duras, livre depuis vos premiers pas sur une terre qui nulle part ne nous est... Nous parler de votre enfance. Mais je suis née en Indochine, professeur de mathématiques. Ma mère était institutrice. J'avais deux frères, 30. Ce qui fait que j'ai été élevée femme, avec deux frères. Difficile, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. Pas dans le fonctionnariat colonialiste. Colonial, à ce moment-là. Oui. Et ma mère avait l'esprit très aventureux, elle a acheté des concessions, et de très mauvaises concessions. Ce qui fait que nous sont liés à cette injustice effroyable qui avait été faite. Lorsqu'elle avait acheté cette concession, elle l'avait achetée. C'était une femme du Nord, fille de fermier. Qui était venue en elle? Institutrice. Elle avait fichu tout cet achat, c'est avéré nul. C'était des lotissements, vous savez. Vers le Siam, enfin, c'est au nord-ouest, déjà dans le Cambodge. Alors après cette arrivée, notre famille a connu la misère noire. et blanc. Un blanc pauvre, c'était effroyable. Parce que vous aviez connu aussi la... Qu'à côté de celle-là, la nôtre n'était rien. Sinon, c'est après que cette comparaison-là, je l'ai faite plus tard. C'était par le milieu blanc de là-bas. Ben, ils ne nous recevaient pas. Là, les enfants des postiers, des douaniers et des instituteurs étaient au dernier rang. Ah, au oui. dernier rang dans les classes, enfin, au dernier banc. Je vous parle. Dans les petits postes comme ça, il y a très peu de blancs. Ils ne jouaient pas avec moi, se détournaient de moi. Et toute mon enfance a joué avec des Vietnamiennes. Je parlais d'ailleurs le vietnamien comme le français. J'ai vécu pieds nus. Ces postes maintenant fameux pour une autre raison. Enfin, je veux tout. C'est-à-dire une prise de position politique. Et est-ce que là, vous étiez bien reçu? Enfin, vous vous sentiez chez vous, normalement? Oui, je vais vous dire comment c'est arrivé. Ma mère était très gênée. Et il y avait toujours chez nous des tas d'enfants qu'elle logeait, qu'elle nous... Mais des ribambelles d'enfants. Et je jouais avec ces enfants. J'ai un grand souvenir de ma mère, oui. Magnifique chez elle. Elle aimait les enfants. Je crois qu'elle n'a jamais pu voir un enfant souffrir sans... De là, c'était dans ces termes-là, la souffrance était tout de suite physique. Elle était grossière, mais l'accueillir sans le protéger. Elle était très, très généreuse. Les paysages de votre enfance. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même une... On en retrouve sinon pas le détail, du moins un petit peu partout l'ambiance. Partout vous les avez, oui. Puis une Vinlong. Vinlong est un poste au bord du Mekong. Et il y a évidemment du vice-consul. Et les rizières du Delta que je ne connais pas, de la plaine des gens. J'ai vécu... C'est-à-dire, il y a des années qui comptent. Dans les rizières, oui. Et quelles sont les sensations qu'on a dans ces pays-là, point de vue chaleur? Je suis née là, tard, que j'avais vécu dans la chaleur. Il n'y avait pas de saison. Pour moi, l'Europe, c'était la neige. J'attendais la neige. Quand je perds le bas. Les chaussettes. Je suppose qu'il doit l'être quand même. Terrible, oui. Il doit y avoir des moments où elle... C'est-à-dire que... Dangereux, le soleil est dangereux. Surtout les Européens ont des épaisseurs de stores ou de rideaux pour se protéger de la chaleur. C'est une dimension que je ne retrouverai pas. Une dimension de quoi? De l'être. J'étais boursière. Études. Je devais être professeur de mathématiques. Nous étions trop pauvres pour que je puisse penser à autre chose que gagner ma licence passée que... J'ai commencé à penser qu'à côté du faire autre chose. J'ai commencé à écrire à 26 ans, 27 ans. Un être vivant qui ne croit pas à son destin, même s'il ne le dit pas. Tim, j'ai un frère qui est mort, j'ai ma belle-sœur qui est morte à Ravensbrück. Il vous arrive des malheurs particuliers, comme la perte d'un frère ou enfant parce qu'il n'y a pas d'essence et que le docteur n'a pas pu... S'il arrive des choses comme ça, le malheur privé l'emporte évidemment sur le reste dont je peux dire que je ne me suis pas remise. Surtout l'aspect une vie très facile. Plein de difficultés. Marguerite Duras était là, à la fois dans les journaux, dans les revues, mais aussi Jacques Florent, qui avait consacré le 2 avril 11h à François Truffaut, avait décidé de faire Duras intervieweuse pour qu'elle fasse une enquête au très difficile, très compliqué, mais que Marguerite prendra à l'entendre. Moi, je m'appelle François, j'ai 6 ans et demi. Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie? Le chocolat. Le petit beurre. J'en prends toujours un pour aller dans mon pays, l'Argentine. Quand je serai grand, peut-être que je ferai la courbatiste en même temps. Eh bien, quand? Comment? Elles vont voler? Non, qui passent dans les voitures et qui passent aussi dans le très, très, un vent très glacial. Elles peuvent voler les voitures. Un vent très, très, très, très, très, très, très, très froid. Beaucoup. Un vent terrible. Il n'y a que le vent qui peut... Ah non, il y a les crochets. Et l'énergie atomique, t'en as entendu parler? Je sais pas si comment je sais qu'il y a d'abord la mitraillette qui a un rouleau de pétard comme ça. Puis après il y a un balai qui fait pan. Et la bombe qui fait... Puis après, il n'y a plus rien. Il y a que... C'est tout. J'ai peur qu'il explose. Dis-moi, ce sera dit fait maison. Ah, les maisons, on ferme. Pourquoi on ferme la rideau le soir? Ah, la nuit, c'est noir. Là, on voit rien. Le jour de Noël, le nombre, il faut se coucher. Minuit, c'est le Père Noël qui vient. Heure peut-être. Ou à 8 heures. Les deux. Peut-être toutes les personnes du monde, tous les pays. Quelle heure de la journée que tu préfères? Je préfère. Il y a des choses intéressantes à la télévision. Il y a Bebois, il y a le Saint, il y a Tietre. Tout ça, c'est très très bien. Il y a une part. Ah. Et puis Télédrape, c'est un jeu. Et pourquoi il faut savoir lire? Après, on peut être journaliste ou étudiant. Ça sert à quoi plus tard? Ah, plus tard, ça sert à la fin, on est un compteur. Ça veut dire qu'on fait un pacte. Pardon. Ça veut avoir de l'argent. Même beaucoup d'argent. Tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose ou il y a des choses qui ne servent à rien du tout? Ça sert à quelque chose, oui, parce que si on est équilibriste, on peut faire. Alors tu veux être chanteuse, toi? Oui. Est-ce que tu voudrais... Ou bien tu voudrais rester petite? Être moi aussi et grand. Pourquoi? Parce que comme si on y serait grand. Parce que moi, j'aime bien les enfants. Parce que je voudrais être maman. Et les chats et les chiens, alors ils vont sur les bébés puis ils les étouffent. De lire et d'écrire. Ça, c'est sûr. Et puis aussi... Tu seras grande. Comment ça sera? Je resterai chez moi et c'est moi qui m'ennuiera, mes enfants. Mais quand ils sont petits bébés, je ne... Oui, mais toi, tu ne seras pas mon mari, hein, parce que j'ai choisi. Tu choisiras un mari, et puis moi, Mais il y en a un, ils font pas d'école, hein. Et quelquefois, je vais chez lui, et même âge que moi. C'est sûr. Quel âge il a? Il est d'accord, lui? Oui. Moi pour marier, je me marie. Pas avec toi, parce que toi, t'as dit... Peur dans la vie. Qu'est-ce qui te rend joyeux et qu'est-ce qui te fait peur, Sophie? Et ça me rend joyeux et qui me fait peur, c'est la nuit. Parce que des fois, c'est tout noir, parce que je vois personne. Puis moi, et toi? C'est le loup. J'ai peur. Non, pendant la nuit, dans la cave, et ben, ils sont toujours dans les caves. Oh, pas toujours, dans ma cave. Même pas des rats. Il n'y a plus de loups. Les enfants le savent. Ils disent, il n'y a pas de loups. Il n'y a plus de loups, ça n'existe plus. Ils rêvent qu'il y en a encore. Et où? Puis. Il n'y a pas de sorcières. C'est pas, disent les enfants. Et pourtant, tous les enfants qu'ils rêvaient de sorcières. Tous, et ici, dans les villages reculés de la province. La peur est là, la vie, on le sait. On sait maintenant, dont la survie dépend de la mer surtout, rêve d'abandon est commun aux oiseaux et aux enfants. Peut-être faudrait-il que les parents sachent quel est entre le rêve manifeste du loup et de la sorcière. Peut-être faudrait-il qu'ils sachent que lorsqu'un enfant le contenu latent de son rêve est celui-ci, c'est qu'il y a une punition qu'il n'a pas subie. Que c'est là l'expression d'une culpabilité. Est-ce que tu rêves la nuit? Oui, je rêve. C'est des vieilles dames habillées de pas. On les voit dans les rêves, dans les rues. Et quand il y a des vieilles dames, elles ont l'air un peu trop vieilles. Non, mais c'est pas facile de parler avec des enfants. Comment vous y êtes-vous pris? Interroger les gosses à l'école. Dans l'école. Pourquoi, c'était une mauvaise école ou c'est... Non, non, une très bonne école, c'est une école modèle. Encore sous l'hypothèque, si on peut dire, de la scolarité. J'avais peur d'être mal noté. De se tromper. Il le disait, oh, je me suis trompé. Oh, j'ai dit une bêtise. Et... Alors je les ai pris chez moi, une fois, deux fois, trois fois. Et j'ai vu arriver le moment, enfin, c'était très net. Ils m'avaient oublié complètement. Je lançais une question, là, qu'ils ne savaient pas d'où elle venait. Ils en discutaient entre eux. Il faut s'effacer. Dès avant d'aller dans cette école et avant de faire venir les enfants chez vous, pourquoi? J'aime les enfants, beaucoup. Les fois que l'enfance est un âge à part, qui n'est pas l'âge qui... C'est un âge à part, une sorte de préhistoire, sans communication avec l'autre âge. Est-ce que vous avez des... J'écris pour mon enfant, mais les choses qui ne sont pas publiées. Il demandait toujours des contes, et toujours les mêmes contes. Je les écrivais afin de ne pas me tromper, de me tromper dans la narration. Ils sont... Sorcières, elles sont méchantes. Elles sont magiciennes. Siennes. Et puis... Des mains coriaces. Des nez crochus. Et un peu jolies de cheveux. Mange, elles les tuent. Si... Elles ne meurent pas si elles sont très vieilles. Ah si, puisqu'elles sont magiciennes. Ah oui. Est-ce que tout le monde meurt? Ah non. Qui ne meurt pas? Peut-être Zorro, le jeune Zorro, le renard. Parce qu'il est trop jeune. Il a 53 ans peut-être. C'est triste les gens vieux. Oui, mort. Oui, quand on est très très vieux, comme déjà Churchill, il y a longtemps. La mort, c'est très très triste. Quand on tue Christ, puis après c'est qu'est-ce mort. Qu'est-ce qui est triste encore? Triste, triste. Quand on est triste, on pleure. On nous a donné un fessé. Peut-être. Ça serait grave, mais on pleure. Puis on est triste. Duras, inattendu Marguerite Duras. Marguerite écoutait les êtres qu'elle aime le plus au monde, les enfants, tant dans ses livres, de l'enfance, pas seulement de la sienne, les évoquer, transcrire ses émotions. Écouter un document où Marguerite Duras nous fait part de Carole, ce sont des lettres de Lewis Carroll à diffuser le 2 janvier 1963. Dans l'une des sections de l'université d'Oxford, on dit « Trois petites filles jouaient chaque jour ». C'était les petites Lidwell. Lorina, Edith, était la plus jeune, elle avait 3 ans et demi. Charles Ludwig Dodgson, qui n'était pas encore Lewis, son diplôme de licencié S-lettres à Christchurch, à la bibliothèque de cette même université. Church donne directement sur le parc de l'université son que les bibliothécaires et les enfants ont connaissance. Je crois, raconte Alice, bien début d'Alice, nous fut conté par un après-midi d'été que nous avions dû mettre pied à terre au milieu des prés, sur le chemin du retour, réfugiés dans l'unique coin d'ombre que l'on put découvrir, lequel se paie. C'est là que de nous trois vint raconter-nous une histoire. Et ainsi, délicieux. Il ne reste aucune lettre de Lewis Fan. Les lettres qui vont être lues sont donc à elles. Toutes ont été brûlées sur les ordres de Madame Lidwell, après une brouille survenue entre Madame Lidwell et Lewis Carroll, à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire lorsqu'elle sortit de la jamais différente de la petite fille qu'il avait connue. Cette trahison de la nature provoque une crise très grave. Un véritable traumatisme, il ne se remit tout à fait. Ce que ressent la vieille manger à son canari et être allée faire une promenade, trouve assis par un dindon vivant, ce qu'éprouve le vieux monsieur Foxterrier la veille au soir, trouve le lendemain matin un hippo. Voilà ce que j'éprouve, moi, quand, au moment où j'essaie d'évoquer mère à Sundown, mes yeux se posent sur la stupéfiante photographe, brusquement épanouie en une grande jeune fille que je note de la lorgnette qui serait sans aucun doute nécessaire pour se faire une idée, tout le moins pour se rendre compte si elle a des sourcils ou non. Ah. Cette longue phrase m'a épuisé. Lire, je vous remercie très sincèrement de vos deux photographies vivantes. Quels étaient les griefs de Madame Lidwell au... Le contenu même des lettres était-il en question? Le genre de passion qu'éprouvait Lewis Carroll pour Alice, qui parut au-delà de l'innocence de l'âge, nous l'ignorons. Sans doute, rien ne fut raconté. Ni par Lewis, ni même par Alice, qui avec une docilité, être de son amie. Cependant, Alice Lidwell, elle massait. Dans une lettre adressée à Alice Graves, Lewis Carroll lui en fait l'aveu. L'image est aussi claire que jamais de celle qui fut à travers tant d'amis enfants. Depuis votre temps, j'ai eu des... Mais avec celle-là, c'était tout différent. Se dilapide jamais tout à fait. Et trouve ses résurgences dans le mode de leur aveu, dans le tien. De même, Lewis Carroll avait pris d'Alice délirant et déchirant, passionnément épris d'un certain genre d'histoire. Après Alice, il eut d'autres favorites. Citons Gertrude et Enid Stevens parmi les plus connus. Mais au point où le fut l'incomparable Alice, aperçue dans le partage de 3 ans et demi. Enfin, j'ai réussi à vous oublier. Pas de mal, mais j'y suis arrivé grâce à 6 leçons d'oubli. À une demi, au bout de 3 leçons, j'avais oublié mon nom, et j'oubliais également d'aller. Professeur déclara que je faisais de grands progrès, mais, ajouta-t-il, je répondis que cela dépendait des autres leçons, selon qu'elles seraient. Figurez-vous que la dernière leçon fut si bonne, que j'en oubliais, et j'oubliais de manger, et jusqu'à présent, j'ai totalement oublié. Je vais vous donner son adresse au cas où vous voudriez aller prendre des liés. Oh, mon enfant. Pourquoi n'êtes-vous jamais venu vous faire photographier, Ford? Conteur inoffensif, conteur ordinaire succès de Alice au Pays des Merveilles, lui facilita les choses. En vieillissant, il n'aurait pas pu aussi facilement mis à Londres ou les faire photographier par en mendiante ou en paysanne turque. Ou autrement encore, Thompson, entièrement dévêtu, sans user de ruse. Tout le monde ne connaissait pas son visage photographié. Alors, lorsqu'il allait dans les sous-jours, une petite valise pleine de jouets pour petite fille. Un air extrêmement grave, et il a dit, je lui donnais trop de baisers. J'ai donné un baiser, un seul ami. Réfléchissez bien, a-t-il dit, voir donner qu'un seul. Peut-être lui en ai-je donné 11. Il a décrété, vous ne devez plus lui donner le moindre baiser jusqu'à ce que vos lèvres soient. Mais comment vais-je faire, ai-je dit. Car, voyez, 22. Alors il a pris un air tellement. Les larmes se sont mises à couler sur ses joues, et il a fini par dire, vous pouvez les lui envoyer dans une boîte. Une petite boîte que j'ai achetée il y a longtemps à Douvres, dans l'intention. Fille, je vous l'envoie. Après tous mes baisers, écrivez-moi pour me faire ou s'il s'en est perdu quelques-uns en route. Appartement. Des jouets extraordinaires qu'il faisait lui-même, terre. En particulier un ours musicien, du volante. Enchaîné à la logique par un don de surcoût. Enchaîné à la morale, par la piété. Il fit servir à se jouer d'elle-même comme jamais encore fut donné de voir. RTF France 3 National vient de vous faire entendre Carole a des enfants, traduction de Jacques Papy, élu par Jacqueline Arpet et Jean-Louis Trintignant. Iski, réalisation Jacques-Adrien Blondeau. La musique, mais n'ai jamais eu la chance de pouvoir l'apprendre quand elle était jeune. De la musique classique, assez tardive, fut pour elle un véritable. Elle tentera de transmettre cet amour à son fils, ut lire moderato cantabile pour comprendre les enjeux de la... Écoutons-la en 1975, le violon de Jean-Louis Cavalier, intitulé « Les écrivains ». Et par les exercices de piano jusqu'à 14 ans, je n'ai jamais... Ma mère n'avait pas de phonographe, on disait à ce moment. Mon frère en avait, bon, il mettait des disques de jazz. Et la première musique parfaitement de ça, enfin jouée par 17 ans, sur le paquebot qui revenait de... Je rentrais pour faire l'université en France, le salon de musique du bateau, quelqu'un joue une valse de Chopin. Vous me direz que c'est un curieux commencement, mais c'est le plus. L'émotion était si violente, comme si des portes gigantesques s'ouvraient devant moi. Et après, pendant des années, j'étais au concert. Mais l'épiphanie, c'était sur ce bateau. Oui, tout en pleine mer. Vers minuit, il était très, très tard. Le bateau. Je crois que c'était un Américain qui jouait du piano pour son propre plaisir. J'ai encore le son de la valse à travers le bruit de la mer. Enfin, il faisait beau. Je me souviens qu'il faisait beau. Son petit chien. Je ne sais plus. Assez difficile, d'ailleurs. Mais qui est la plus belle. Le premier contact, c'est porté par, si vous voulez, par la musique. Mais en même temps, j'ai compris que je n'arriverai jamais à jouer de façon qui me satisfait. Il y a aussi que j'ai entendu jouer du piano. Ce type jouait très bien. Il s'était d'ailleurs. Je ne sais pas aller dans le salon de musique. Ma vie, c'est quand mon fils, qui était très doué pour la musique, a appris le piano. Je ne faisais que ça, quoi. Sans lui faire faire ses exercices et tout ça. Et en lui demandant un tel effort, il avait 8 ans. Et bah, il y a beaucoup. Je m'en veux qu'on ait fait un forcing, c'est de la maîtresse de piano. Qui a dit tu joueras une invention de Bach au bout d'un an. Mais jouant une invention de Bach, il n'a plus fait de gamme, l'enfant, vous voyez. Bon, je l'ai vécu, ça, avec une très grande intensité. Enfin, rien me comblait plus que n'importe quoi dans ma vie. Vous imaginez. Oh, je devais écrire, mais très dominé par ça, complètement, complètement. La première pensée le matin. Prêt. Pendant un an, je crois que je n'ai rien fait d'autre. Mais c'est mystérieux, mais vous l'avez analysé ou... On va dire qu'il aurait fait ce que moi j'avais rêvé de faire. Mais je n'étais pas du tout au piano, c'est-à-dire devenir musicienne. Cordon ombilical avec l'Indochine qu'à l'âge de 18 ans, date à Paris pour commencer ses études. La France reste un véritable mystère. Elle y allait de temps en temps et ses frères, notamment dans la région de son père, dans le sud-ouest, Duras, d'où elle tira son nom de plume. Premier numéro de cette série, Le bon plaisir de Marianne Alphand, le 20 octobre 1984. Voyage pour moi, c'est la France. Dès que j'écris l'amant, c'est un pays que je soupçonne beaucoup. Je connais pas mal quand même la France. Mais souvent, quand je vois que c'est ce qu'il y a, ce que j'ai vu moi, personne, dans ma vie. La subjectivité, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas été. Vous croyez que c'est ça? Et quelles sont ces régions de France que vous avez? Ah ben, je vais très régulièrement dans l'Entre-deux-Mers. Mon père, j'ai envie de savoir d'où il vient. J'ai dans l'idée qu'il a souffert, elle, par ma mère. Comment il a été éclipsé? Je vais dans cette région, voir cette maison-là qui a brûlé. Il ne reste rien. C'est une propriété de propriétaires viticulteurs, palmiers. Vous savez, c'est cette région quand les fils partaient au jardin. Et vous allez dans la région maternelle aussi? Je suis allée là il y a un mois. Je suis allée revoir une ville que vous ne connaissez pas, qui est une des plus belles de France, qui est Arras. Je la connais, avec ses deux places. Oh. C'est une ville magnifique. Une ville retirée. Elle n'a pas de réputation. Elle n'est pas enseignée comme étant une belle, très belle ville. Elle est enseignée comme Arras, non? Et votre mère était d'Arras? Mais elle parlait toujours d'Arras. Et moi, quand je suis arrivée à Arras, il y a une dizaine d'années, j'étais stupéfaite de voir ça. J'aime beaucoup le Nord. Parce qu'il n'est pas touristique. Hein? Le chauffeur de légende, monument. Je dois avoir une photo de lui par ici. Parce qu'il y a toujours dans les familles des faux. Par où la famille elle-même. Quelquefois c'est la mère, quelquefois frère. C'est un tel ciment qui a fait tenir tout ça ensemble, anormalement longtemps. On ne pouvait pas aussi donner ou à tous les abandonner comme ça. On ne pouvait pas quitter ça, cette mère. Puis on est venu. Il était beau. Elle disait, serait-elle le plus intelligent si les autres, vous voyez, c'était son amour. Elle ne se touchait pas parce que... Non, elle touchait mais bien comme ça, qu'elle soit dure. Mais quelquefois, je voulais l'embrasser. C'est très dur. Laisse-moi. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous êtes attaché. Stylo, par exemple, si on veut un stylo, une bague. Oui. Du frère aîné. Oui, je voulais vous dire que, comme lui, je veux dire de... d'un magma humble, duquel je ne peux pas me dénombrer, moi. Et si je reconnais aussi comme un fait commun, et je l'ai connu parce que j'étais de la... On voudrait rendre à ce mot sa force qu'il a perdue, un petit peu déchu, qui pourtant il règne toujours sur tous, enfin. Je n'ai jamais souffert du manque de père. Des gens qui ont été orphelins. Je ne sais pas de l'absence de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Vu un peu, tout petit peu. J'ai deux souvenirs, deux ou trois souvenirs. Vous entendez les enfants? Pure traversée de l'été, cette semaine consacrée à Marguerite Durive, documentation INA, Catherine Louis, Hervé, nous allons vous proposer, comme nous le ferons chaque jour de cette semaine, d'un document de Marguerite Duras au travail, à midi. Ce document est intitulé « Le Marguerite pensait alors qu'elle allait pouvoir tourner au livre, conversation avec Claude Berry ». Je vais essayer de lire le passage sur la mort de mon petit frère, mais on peut toujours essayer. Non, je crois que je vais y renoncer. Une autre fois. J'ai eu la faim seulement. Mon petit frère est mort. On peut parler très peu du frère aîné. De notre monsieur, de la mer, de celui de la plaine. Mine. Des mécaniques, des autos. Colère contre l'auto cassée. Et il me racontait qu'il aurait plus tard. Je connaissais toutes celles des bagnoles, sûr, d'être dévoré par les tigres, non, ou de se noyer dans le rack courant. Il était seulement de... Il était mort du cœur. Dans le télégramme, j'étais en France, dans la période. J'avais écrit ça. J'avais fait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Cri de toute leur force, les démons, contre l'air froid. Ils le font sonner de façon presque assourdissante. J'avais oublié à quel point je l'aimais. Dans l'idée que rien de nouveau, ne... J'avais oublié la mort. Avec Duras, France Culture, nous nous retrouvons entre. France Culture cet été, c'est linéaire. Chaque soir à 19h, série télé, le monde en 25 épisodes. C'est moi qui suis Golargole, loup, chante en formol, en gilet et en faux. L'année dernière, c'était les séries américaines, télévisées latino-américaines, canadiennes et européennes, qui seront passées séries françaises et britanniques. Série télé, le monde en 25 épisodes. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com. France Culture l'été, c'est aussi le temps de la réflexion, du débat ou simplement de l'avis d'eux que nous invite à partager Colette Fellous chaque samedi et dimanche avec un auteur que nous suivons dans son univers, avec son rythme de travail, ses liens de confiance qu'il nous offre. Daniel Mendelssohn, Catherine Cusset, Catrice Pierrot, Pierre Guyotat, Antonio Lobantounès, Claude Lanzmann. 24 heures dans la vie d'eux, chaque samedi et dimanche à 20h, tout ça. France Culture cet été, c'est ce qui a façonné les dimanches à 16h, départ pour l'Afrique, afin de suivre les aventures de Monsieur Julien Gorichon et Frédéric Bach. C'est strictement mon affaire, ça ne vous regarde pas du tout. C'est un sujet que la vie sexuelle de ma mère. Une enquête pour tout savoir sur l'histoire des safaras, taxidermistes, historiens, philosophes, écologistes, chefs animaliers et Monsieur West au pays du safari, tous les dimanches à 16h, tout savoir, tout écouter. Duras, chaque matin à 10h, nous vous proposons une rencontre avec des interprètes, avec des amoureuses et des amoureux. Alors, aujourd'hui, rencontre avec trois jeunes femmes vietnamiennes, le même amour pour Marguerite Duras. Bonjour, auteur du roman Chinatown, publié aux éditions. Bonjour, je suis Doan Com Thi. Je suis née en français ou encore du français en vietnamien. J'ai traduit Duras. Et Chinatown de Tuan, je suis maître. Vous êtes toutes les deux des sœurs jumelles, Tuan et Thi. Oui, on est des jumelles, mais vraies ou fausses, on ne sait pas trop, parce que on vient. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous partez du près un œuf ou deux œufs. Mais au Vietnam, on ne sait pas. Alors, qui est sorti, c'est en principe, c'est la sœur aînée. Question de rang. Donc, et qui est sorti? 5 minutes avant moi. Seulement 5 minutes. Et on est né dans une pagode, parce que l'hôpital a été détruit complètement à 10 kilomètres du village de mes grands-parents. Et ma mère savait pas qu'elle attendait des jumeaux. Elle avait 22 ans. Étudiante. Elle était étudiante et le médecin voulait pas dire, lui dire. Quand je suis sortie, elle s'est relevée et le médecin, non, vous attendez. Elle est comme tombée, il paraît, dans le... Parce qu'il y avait rien à manger. Ouais. C'était vraiment très pauvre. Complètement pendant la guerre américaine.